go. Salut Gilles. Comment ça va? Ça, là, on t'attendait plus. Là, on se demandait si t'étais dans une zone grise d'aéroport où on pogne pas le téléphone. J'ai un gros mal de tête, je vais t'avouer. Je suis pas dans mon assiette là, my God, mais pas pour deux sous. Pas pour deux sous. Attends un peu, je vais sortir. Là, je suis dans un téléphone géant. Là, je suis encore en Asie, puis les mots de tête ici, ils te mettent dans des... Tu connais ça un peu, le saran wrap, toi, oui, le gars, oui. André? Hein? André, saran wrap, tu connais oui, ça? Ben oui. Bon, mais là, ils m'ont mis dans un saran wrap géant. Ah? Ici, ils appellent ça le saran wrap, OK? Puis là, ils m'enferment là-dedans, ça fait à peu près 4 mètres par 3 mètres. Il faut que j'attende que mon mal de tête passe. C'est quoi, pour pas que les germes t'attaquent, c'est quoi? Parle pas trop fort quand je suis dans le cellophane, s'il te plaît. Non, ce qui se passe, en gros, c'est que j'ai un mal de tête de fou. J'étais encore en Asie du Sud-Est. J'étais à Singapour, à côté de Marseille. OK. Toujours en Europe, mais proche de l'Asie du Sud-Est. Et j'ai un mal de tête fou, les gars. Et ça, je vous fais ça, ma chronique est sur les maux de tête aujourd'hui. Oh. Avant, j'y riais des gens qui avaient mal à la tête. Aujourd'hui, je leur dis bravo. Bravo à tout le monde, que vous soyez en Asie, à Poganiyamuk. Félicitations, parce que je veux dire une chose, c'est que moi, c'est depuis vendredi soir. Pour vous, ça vous dit rien, mais vendredi, c'est assez loin, merci. Et parce que vous connaissez pas sûrement pas vos jours de la semaine dans l'année chinoise. Non, de la difficulté. Chut, André, j'ai mal. Merci. Alors, en gros, c'est ça. Là, j'ai mal de tête et je voulais vous parler de quelque chose de bien spécial, mais j'ai mal à la tête. Malgré tout, vous savez, aujourd'hui, avec la technologie, oui. J'ai écouté la première d'Occupation Double. Oh! Puis? Oh, mais les boys, c'est des grands manches mollo, hein? Au palais. Il paraît qu'il y en a un de Trois-Rivières, là, qui est dans le Caron et Gay. Dans le Caron et Gay. Je connais pas Caron, mais Gay, je connais extrêmement ça. Puis, il m'a dit une affaire, si dans le Caron et Gay, moi, t'avoue, on va le mettre dans le Caron et Gay. Aïe, c'est pas tchit, dans le cellophane, il est bien mal. Non, tout ça pour dire que moi, ma préférée, oui. C'est le menuisier. Oh. C'est ça, c'est vraiment ma préférée. Je veux dire, ça ferait une bonne femelle de classe. T'en aurais besoin peut-être pour faire des menus travaux chez vous? Oui, mais je veux dire une chose, avec le mal de tête que j'ai là, je le répète, bravo à tout le monde qui a mal à la tête. Honnêtement, là, c'est pas facile. Fait que ma chronique, ben, il y en a qui ont le cancer, puis d'autres qui ont mal à la tête. Ouais. Oui, puis il y en a qui sont gays. T'as pas une petite aïe. Chut, j'ai mal à la tête. Non, j'ai bien mal à la tête. J'ai bu ici, là, je suis une connexion ici avec mon mot de tête. J'ai bu du jus de serpent. Oh! Si. Gazé ou non? Ça ne m'a pas aidé pas en tout. Non? Ah non, mais c'est parce que moi, je vais vous dire en affaire, je suis un gros amateur de Pepsi. De Pepsi? Oh. Oui. Puis moi, je connaissais pas ça, les mots de tête avant. J'ai jamais eu mal à la tête de ma vie. Je le promets sur la tête de Rukiki. Ouais, mais tu peux pas boire de Pepsi dans le cellophane, là. Chut, André, je suis dans le cellophane. Chut, arrête, André, merci. Alors, tout ça pour dire à tout le monde, regardez, la semaine prochaine, je vais vous en venir avec une méchante grosse chronique. La chronique, je l'ai dit en premier, c'est une chronique sur les mini-canettes de Coca-Cola, que j'ai une pub gratis, là, que j'ai trouvée en Indonésie. Elles ont 5 millilitres, mais c'est du Coca-Cola concentré. J'ai jamais vu ça. Je sais pas pour les gens qui ont vu la Charlie la chocolaterie. C'est spécifique en Indonésie. C'est que les gens là-bas sont tellement pauvres. Dieu est leur âme. Dans l'affaire, j'ai même pas pitié. Moi, je trouve que je fais pitié des riches. Moi aussi, je changerai pas ma place avec un autre deux scènes. Ah, oh, non. C'est pauvre, pas à peu près, on veut dire, là. Si vous pensez que c'est pauvre dans le coin, là, hey, c'est pauvre, ça pue. C'est-tu des pauvres, pauvres? Oh my God, c'est qu'on va dire en affaire. Bravo à tous. Eux, ils ont des mots de tête, ils n'ont aucun accès à rien. Moi, je vais vous dire, là. Dans mon penthouse à Bantoun, là. Oh my God, je suis bien. Puis malgré tout, j'ai mal à la tête. Hein. Imagine toi coucher dans un morceau de bambou et un dématoire. Il doit faire mal encore pas mal plus. Hein. En tout cas, je les plains pas, mais je ne vais pas être à leur place. Fait que, écoutez, mais ce que je vais vous dire, c'est ça. Parce que je vous parle de ça. C'est une mini canette de 5 millilitres. C'est du Coca-Cola. Et c'est la sensation de boire un litre de club soda. Mais il y a une autre alternative à ça que je vous le dis en tapant la tête. C'est qu'on peut la mettre dans une crème à base d'hectares de mucus et ça nous fait une peau, ma foi, vous devenez complètement noir. Mmh. Et ça, on sait que les agents de la CIA utilisent énormément ça. Vous savez le conflit qu'il y a en ce moment à Bogota, en Afrique, en Colombie. Les gens de la CIA utilisent ça pour aller là-bas pour avoir l'air de des personnes de race noire. Mmh. Alors, c'est une crème qui vient d'Indonésie, qui noircit le teint. Ça s'appelle Coca-Cola 500 ml, mais c'est 5 ml. Et je vous parle de ça la semaine prochaine, les boys. Ben déjà, tu nous as mis sur la touche, là. On a déjà des détails. Oui, mais là, moi, je dois retourner malheureusement dans mon téléphone géant. Pour mal de tête. Là. Je suis condamné à ça pour 2 semaines encore. Attention aux germes, là, Gilles. Hey, attention aux autres, je vais vous en faire en deux, s'il vous plaît. La prochaine fois, quand je fais un interview, puis sors des meilleures questions, s'il te plaît. Ben oui. Merci. Non, fais attention à ça, parce que tu fais de la radio, là. Okay. Tu vois ce que je veux dire. Tu vas appeler à l'heure, par exemple, prochain coup. Oui, c'est un bon point là-dessus. C'est à quoi je fais du décalage. Tu fais du décalage, toi? Un gros bonjour à la voix. C'est quoi la voix des publicités là, qui fait tout le temps? Là? Votre master web, là? Oui. Ah, ben, dis bonjour de ma part, mais dis que quand même pas trop. Là, je l'écoutais, là. Moi, qui fait de l'émission, tout le temps, lui, qui joue à ce dos-là. Moi, je pense à le message. On essaye de le sortir tranquillement, là. Et sortez-le vite, parce que moi, je vais le sortir, puis vous savez par quel moyen je vais sortir. Il va sortir par la porte d'en arrière assez vite. Il va sortir par où tu rentres? Non, mais c'est pas que j'aime pas ça, mais c'est pas mal ça. Fait que les boys, votre émission a resté aussi faite la semaine dernière. Une chance, je suis là, lâchez pas. T'es bien fin. Ben, merci, salut. Gilles. Salut. Salut, boys. Salut. Prompt rétablissement. Oui. Bon, ben, gars. On a eu quand même un petit topo de Gilles. Il avait l'air mêlé un peu. Il avait mal à la tête, Danny. Il était dans le cellophane. Puis il avait mal à la tête. Il avait mal à la tête. Ouf, hein? Et on va aller écouter une musique, musique. On va aller en musique parce que là, comment? Ça l'empose aussi, je pense. Ben c'est ça, c'est le temps d'aller écouter une petite pièce du Roi Poisson. Oui. Et puis on va enchaîner avec une pause publicitaire. Puis on est de retour avec vous pour autant de conneries. Vous êtes dans le dîner de cons.